Salut à tous et bienvenue, vous êtes bien connectés sur l'antichambre. Eh bien, l'émission commence, c'est l'heure de vous installer confortablement dans votre canapé, de vous faire chauffer pourquoi pas un petit thé à la menthe, d'allumer un petit THC, c'est le rituel de l'antichambre. Ce soir encore, quelques bonnes galettes à votre disposition. Et je dirais même plus, une émission un petit peu spéciale, un petit peu particulière ce soir, puisqu'on aura l'honneur d'avoir un invité du nom de Gas, rappeur du groupe Dialect Music, un groupe de hip-hop lyonnais qui fait parler de lui en ce moment, notamment avec des premières parties intéressantes comme Hocus Pocus ou Oxmo Puccino. Un groupe qui représente un hip-hop acoustique, funky et très festif qu'on apprécie énormément. Rendez-vous donc dans un quart d'heure pour cette longue et intéressante interview de Gas. Et en attendant, on va voyager un petit peu, on va partir notamment du côté de l'Angleterre. On va s'écouter un morceau des Stereo MCs, un vieux morceau, le morceau s'appelle Watcha Gonna Do. Il était apparu sur le deuxième album de Stereo MCs, l'album qui est sorti en 90 et qui s'appelle Supernatural. On voyagera aussi du côté de la Hollande à Amsterdam directement. On écoutera un morceau de Pit Philly and Perkyzite. Pit Philly and Perkyzite, ce sont donc un MC, un DJ producteur. Une rencontre très très riche et très intéressante, puisque Perkyzite, le producteur, est vraiment un personnage très fort musicalement, avec d'énormes influences. Ses prods sont vraiment très riches, très variés, très denses. Pit Philly, en tant que rappeur, a un très très bon style. Il rappe un petit peu comme l'anglais T.I. On s'écoutera un morceau issu du premier album. Le morceau s'appelle Eager. Et puis, on s'écoutera aussi un morceau de Jurassic 5. On voyagera donc en Californie. Le morceau, ça s'appelle Jurassic Finish First. C'est sorti de l'album Quality Control. Et puis pour commencer, un groupe que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'apprécie énormément, un groupe qui s'appelle Dragonfly Empire. Cela, il se trouve au Canada, il se trouve exactement à Calgary, c'est aussi un duo, un DJ MC. Ils ont sorti un album et un EP, je crois qu'ils ont sorti un album cette année en 2009. Eh bien, je vais vous présenter un morceau que je trouve vraiment, vraiment énorme, qui s'appelle Headphones. Eh bien, on va sans plus tarder, on va partir sur cette petite session dans l'ordre Dragonfly Empire Headphones, Pit Philly and Perkyzite Eager, Stereo MCs Watcha Gonna Do et Jurassic 5 Jurassic Finish First. Tout de suite, Dragonfly Empire Headphones. You think that I believe in it? Approaching mid-20s where the issues are plenty. Man's great achievement, if you can't believe it. A beat that can follow you wherever you go. Pack the extra batteries so it won't be maddening. And you need the juice if you rock bass boost. It's a loud caress and yes, you're fully blessed. So please don't mess with AVLS. The lesson is simple, Jack, be nimble. Pass the headphones quick and you'll see the temple. Shining, smiling, so reviving. If I gotta do chores, man, no denying. Each dull duty looks like a cutie, dressed to impress and attract attention. Not to mention the key bohemian ingredient invention, my headphones. Here, but my mind is gone. But the fat beats from the dusk to dawn. Something so right just can't be wrong. Word is bond, I got my headphones on. I got my headphones on. What's that? I got my headphones on. Come again? I got my headphones on. Sorry about that. I got my headphones on. Speak a little louder. Huge space phones, they define the dome. But earphones, more subliminal in tone. Street style phones keep you new when you roam. Cheap craft phones, spark and rattle to the throne. Straight in the bin, cause the people never win. If they front on headphones, or don't make proper investments. Headphones on, mini disc or CD. Headphones on, Walkman or MP3. Headphones off? Nah man, I think not. Headphones rock, yeah, hard to top. Wanna bump a jazz groove, loop the beat so smooth. I'm real rude, plus a bad attitude. Is here, but my mind is gone. But the fat beats from dusk to dawn. Something so right just can't be wrong. Word is bond, I got my headphones on. I got my headphones on. What's that? I got my headphones on. Come again? I got my headphones on. Sorry about that. I got my headphones on. Speak a little louder. Rock headphones. headphones when you need the beats, and rock headphones when you're on the street. Rock headphones when you're in the mix. Rock headphones and bump your favorite picks. Rock headphones when you're doing hard labor. Rock headphones and practice good behavior. Rock headphones to give life some flavor. Rock headphones just to silence the haters. Rock headphones when you're on the train, and rock headphones when you're on the plane. Rock headphones unclogging your drain. Rock headphones just to soothe the pain. Rock headphones when you're mowing your lawn, and rock headphones when you bump this joint. Rock headphones when you're shoveling snow. Rock headphones sipping your cup of joe. Rock headphones when you're in your car. Well, maybe not, that's going too far. But rock headphones when you're on the bus, and rock headphones if you're down with us. Best get fresh be rocking the headphones. Infinite PB rocking the headphones. Chris Della Torre rocking the headphones. DJ Grubb rocking the headphones. My man Stevie rocking the headphones. This Oriental rocking the headphones. My man Cosmo rocking the headphones. DJ Nato rocking the headphones. Rock, rock, everybody, rock, rock, everybody. Rock, rock, everybody, rock, rock. It's like tick, ticka, ticka, take my shirts out of the dryer. Fire be burning, hit the deodorant, now I'm yearning. For my date, she late, put my pants on, hands on deck. As I check my reflection in the mirror after long inspection, getting all excited, thinking about tonight's selection. Just want some of that love in the night. Stick the cream in the oven at night, right? Think about it all night, get the wine and shit, the lighting is right. Tight dress, might just skip the whole conversation, start making a mess of the whole bedroom. Enough words is said soon, taking my time as I anticipate the sonic boom. Really wanna freak her, but tonight I just remain eager. Just want some of the so give me some of the cause I need some of the cause I want some of the so give me some of the cause I need some of the caramel cream pie mixed with the chocolate sundae. Today I spray all the remains of the Philly semen. I slay the demon, I'll be beaming as a reflex to the sex. Steaming hot, scheming got me to shoplift the booty of the cutie. This evening I'm retrieving a sense of joy. Hungry schoolboy got a new toy. Let me get down with the caramel brown half vanilla, seeking out the new thriller to get the chicken to grab it with a firm grip. After which I lick the tip, I tickle the nipple, then I let you drip. After which I let the foreplay slip. Shit, kisses in the neck, loving all the way down. Even after second round, I'm eager. Just want some of the so give me some of the cause I need some of the cause I want some of the let it be, I'm eager for beaver, yet I must leave her. Shaving and everything, crave more than anything. Some of that sweet petite chica you rarely meet or greet. Take her out to eat and shit, after which we're beating it. Shit, take it back, make her act. A foolish school reacted to ass smack. Take that, take it in, back from the studio. Now let's begin to sin. All we need to do to make shit hot is some candlelight and Jill Scott. What you forgot? I'm eager. Just want some of the so give me some of the cause I need some of the cause I want some of the so give me some of the cause I need some of the Yeah, baby, I've been thinking about you all night, so just come on down. The paper, sucking poppin' shit, I'll deal with him later. Brother Baby Bam controls the situator. My mellow Uncle Sam is on the course fader, so I keep it going, I keep it steady flowing. And when I do my showing, everybody's knowing. The Jungle Brother Baby Bam don't bullshit. I just grab the microphone and get a full grip. I tell a sucker MC to button up his lip, and every try to get fly, I just have to flip. On an eagle trip, I won't hurt nobody, I just snatch his shit. shit and rock the party. Microphone check, a 1, 2, 1, 2. Here's a funky little beat, now what you gonna do? I like to say a few words about the birds and bees. Send out a prayer on my bended knees. I say freeze, all you undertakers. Biting holes like alligators. Please, all you money makers. The end of the line is sooner than later. Release, give peace. Let the violence cease, can we get some release? So I wait for the rhythm, cause ultimately it's gonna get to you as it gets to me. Like voodoo, queuing up a new brew, bringing to you stunning cool and brand new. Rhymes are a tool to school and break rules. Here's son in the shoe. Now what you gonna well, do? Well, some like it hot and some like it when the heat is on. So when I throw it on, they say keep it on. Tell my DJ to throw the big speakers on. And then I proceed to tell you what's going on. Right and exact for the brothers in black. And for those who can rap but ain't singing jack, huh? I turned a new leaf, so if they got beef, I leave you on the floor laying next to your teeth. See, everything I do has got to be funky. Rap is a drug and I'm a hip-hop junkie. Give me a fix and I'll be straight. Give me a fix before it's too late. So if you're feeling sad and you're feeling blue, here's a funky little beat, now what you gonna do? Well, brace yourself, cause here we come. Hold tight to your chair and get ready to run to some place to shake it. If you feel shaky, and dwell upon just how you've been done. Some think all that matters is the price of your shoes, or if your name's in the book of who is who. Well, my shoes ain't shiny, but my rhymes are timely. 1, 2, it's new, just time to say few. What more can I say, except we don't play. The waves we send are gonna turn your hair grey and make you move, cause the time has come for the sound of New York to link with London. Where I flew from on the wings of a dove, the pieces fit like a hand in a glove. Brother, sister, father, mother, now I see some things in life are just meant to be. So here's the duet where the jungle step as we trek down alleys through the place we met with five working opposite teeth like a machine, but with a beat not lean, cause I don't really need automation. Just keep my fingers on the pulse that's pacing. Dance through the drama's beat that is racing with a touch of grace that is truly amazing. Never to be outdone, outrun or overcome. Africa coming up like the rising sun. And now it's done, my rhyme is through. I'll be back up for now. What you gonna do? Cause the cash in the purse, guns blast in the hearse. A vast universe when the last is the first. The past been a curse, I need some aspirin, a nurse. It's your casket in earth, but why ask when it hurts? A passionate verse, or some last minute work first. The human body's a living vast in its dirt. Puffing grass when it works, a bastard at birth. But at last planet Earth, hot your ass in its first. Sashed in its verse, burning like gas on a torch. Grasping the thought, so nosy past a front porch. Masked in a smirk, no doubt my class been alert. Verbal splash for your verse, hot your ass in its first. Because of crooks in the game, no one's acting the same, not mentioning no names, merely passing the blame. Yo ass been in flames since the cash went ka-chang. Now you can't stand the rain when my crew bring the pain. Through a masculine myth, who I constantly diss. As I bond with the fish, understand we the fifth. Platoon, hit the dirt, wish you well, wish you worse. Yo ass been a curse, five your ass finish first. We win it back from the loss, we have to report. The trash on the chart making you have to resort to leaving the record store instead of quenching your thirst. But at last planet Earth, five your ass finish first. Because of passing the course, wife asking divorce, taking half of your cash, now you bask in remorse. Turning rap into sport, I've mastered the part. Cause the trash on the chart, need you gasping for art. Now if you master the art, I'm asking with force. Tell the masses your thoughts, till your ass is a corpse. Cause the glass in the burst, unfasten your purse. Give your cash to the clerk, five your ass finish first. Because the tricks of the trade, some are virtual slaves. A smirk will get raised once the pen hits the page. While your thoughts are the stage and perhaps getting paid. Relaxing in shade, time passing in days. I'm searching for ways to avoid the charade, cause when voices are laid, choices are made. Be not afraid. People plastic on earth, a verbal blast about the birth five giraffe in his purse. Vous êtes toujours dans l'antichambre, une émission un petit peu particulière ce soir puisque comme on le disait, nous sommes avec le rappeur Gas du groupe lyonnais Dialect Music. Gas, rappeur lyonnais depuis un bon certain temps, puisque rappeur déjà à l'époque du groupe IPM. Salut Fred, salut tout le monde. Ben voilà, donc comme tu l'as dit, je suis un vieux rappeur. Non, en gros, voilà, ça fait un petit moment que je rappe dans la région lyonnaise. Enfin, moi, je viens de Lyon et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le groupe Dialect Music. Donc, c'est un groupe en fait qui est composé de 7 personnes sur scène avec pas mal de musiciens, guitare, basse, batterie, clavier et puis des cuivres, saxophone et trompette. Un groupe qui est justement super intéressant à voir sur scène. J'ai eu l'occasion de vous voir deux fois. Là, un maxi qui est sorti il n'y a pas longtemps, un maxi super intéressant avec justement un morceau avec une collaboration particulièrement intéressante. Ouais, donc là, le projet qui vient de sortir, ça s'appelle Chaque Seconde et on a eu la chance de collaborer avec Roy Ayers, qui est un musicien de renom dans le milieu du jazz, de l'acid jazz, de la funk. Voilà, qui est un musicien qui a été beaucoup connu dans les années 70 quand il a fait des collaborations prestigieuses et puis des bandes originales de films comme Coffee. Voilà, c'est l'auteur du morceau qui s'appelle par exemple Everybody Loves the Sunshine, qui est un gros tube international. Et puis c'est surtout un artiste qui a été énormément samplé. Et voilà, par rapport à la démarche de Dialect, qui est plutôt dans une esthétique hip-hop, jazz, soul, c'est intéressant de collaborer avec un artiste qui a tellement participé à ça. Et puis surtout de faire un projet vintage, comme on dit, de faire un projet à l'ancienne, avec vraiment une rencontre avec le musicien. On a enregistré ça en studio au naturel. Et puis c'est sorti sur vinyle, sur CD, et puis en téléchargement légal. Mais le plus important, c'est le vinyle. C'était vraiment important pour nous de faire un joli vinyle. Très bien. Bah justement, je reviens à Roy Ayers. Comment ça s'est passé, justement, cette petite collaboration? Comment lui, il a apporté sa touche musicale avec son instrument en s'intégrant dans Dialect? Est-ce que, du coup, c'était sur un morceau peut-être déjà préparé, que vous aviez déjà? Ou est-ce que vous avez pu, justement, créer en même temps avec lui? Comment s'est passée cette rencontre, quoi? En fait, on voulait vraiment collaborer avec lui, donc... On s'est rencontrés parce qu'en fait on a le même tourneur, donc c'est la personne qui s'occupe d'organiser nos concerts sur l'Europe est la même. Et du coup on s'est rencontrés au cours d'un concert et on a commencé à échanger de la musique. Et donc voilà, on s'est rencontrés une première fois comme ça, une deuxième fois, une troisième fois. Et puis au bout d'un moment, nous on était sur le projet d'album avec le groupe et on s'est dit tiens, si on lui propose un morceau. Et donc voilà, on a pensé donc à une compo qu'on lui a proposé, ça lui a plu. Et donc c'est vrai qu'on avait déjà enregistré une base en studio avant qu'il arrive. Ensuite on a profité d'un moment où il venait sur Lyon pour faire les nuits sonores, c'était l'année dernière les nuits sonores. Et quand il est arrivé pour faire ce concert là, en fait dans la journée, on a pris une session de studio. Et voilà, donc on est rentré en studio, il a bien aimé le morceau. Et en fait il a fait quelques prises vraiment en freestyle quoi. Donc il a pris son vibraphone, un micro, et puis il était là, il chantait, il faisait ses prises, il s'imprégnait du morceau, on a bu un petit verre tranquille. Et voilà, la session studio s'est déroulée vraiment super naturellement. Et voilà, c'était impressionnant avec un musicien de cette envergure d'avoir un rapport aussi simple en fait. Et au final, c'est vrai que ça se ressent dans le morceau, que voilà, on était ensemble et on a fait le truc vraiment au feeling. C'est ce que nous on retiendra. Et voilà. Je te propose pour présenter ce maxi et puis pour présenter ce morceau qui est très très bon, de l'écouter tout simplement maintenant. Chaque seconde en fait, c'est juste pour dire on a les pieds collés au ciment, la tête dans les nuages. On est là à essayer de penser à ce qui compte pour nous. Et puis au final, souvent on oublie de profiter de chaque seconde, on oublie de vivre. Donc voilà, chaque seconde c'est pour ça, c'est pour que tout le monde soit dans le kiff. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer ça. Ciao, ciao. De chaque seconde, j'ai un texte en face de chaque seconde. J'ai un texte en face de chaque seconde. J'ai un texte en face de chaque seconde. J'ai un texte en face de chaque seconde. peu importe les rondes, tous les prétextes abondent. Je te parle du mélange de genres qui se fait sur planète ronde. Je ressens parfois tous les passants comme un panel d'ondes. Entre le sein et le glauque, le dessin et le but. Entre le centre et le bloc ou entre les seins et le groupe. Mes forces d'évoluer dans un mélange fait de nuances. Anonyme au fond de la masse dans un nuage de smog rance. Au fond de la caisse, tout près des caissons acquiescent. Tout plein de questions nourries par ce nuage de weed crasse. Prends les bonnes vagues comme les naufragés, une poignée de brasses. Différent d'un autre, je retiens les journées de grâce. Je finis par aimer mes épreuves et ce que j'y trouve. Me fie à ce que j'éprouve et j'esquive tout pour m'éloigner de la crasse. Vois pas cette vie comme un cauchemar vers la quiétude je trace. Bonne ou mauvaise passe, entre chaque seconde prendre l'espace. Chaque seconde en décalage. Tu es collé au ciment, tête dans les nuages. On vit chaque seconde en décalage. Chaque seconde éclate les bombes, ne font que de remplir les tombes, détruire les combles. L'impression qu'il pleut des cordes, les coups s'y tordent. Le sort est une grosse mâchoire qui pourrait mordre. Je dis à chaque seconde, je suis pas de ce monde. Courir après la même carotte, vivre sur commande. Il y a celle qui pose, celle qui spit, celle qui t'explose. Mais il y a celle qui te guide. Et à chaque seconde, des rimes figent comme un polaroid. Des images qui sont mes héroïnes. Laisse tourner la bobine. Elles sont parfois si longues, mais elles passent trop vite quand il s'agit d'un bon film. Elles sont mes héroïnes. Laisse tourner la bobine. Même si je trime, que ceux qui sont encore libres me comprennent. Vers la quiétude je trace, bonne ou mauvaise passe. Et entre chaque seconde, prendre l'espace. Chaque seconde en décalage. Pieds collés au ciment, tête dans les nuages. On vit chaque seconde en décalage. Pieds collés au ciment, tête dans les nuages. My feet on the ground, my head in the sky. Chaque seconde. My feet on the ground, my head in the sky. À une allure délirante. My feet on the ground, my head in the sky. À chaque seconde. My feet on the ground, à chaque seconde. My head in the sky. You know why. Super morceau, chaque seconde, donc Dialect Music avec Roy Ayers, hein, vous avez dû reconnaître les notes magiques du vibraphone de Roy Ayers. Eh bien, on va faire un petit tour dans le passé, puisqu'avant ce maxi chaque seconde, en 2005, Dialect Music avait sorti déjà un mini album, un premier 6 titres, qui s'appelle La Spéciale. Comment tu peux nous le présenter, Gas? Bah en fait ouais, La Spéciale c'est vraiment le premier projet qu'on a fait en tant que groupe Dialect. C'est un projet qu'on a fait à la maison, il y a 6 morceaux dessus et puis c'est des morceaux qu'on joue encore pas mal en live, des morceaux comme Parano Star, comme Aquarium dont on joue une version. Donc voilà, c'est un projet qu'on a fait à la maison et en fait qui nous a permis de commencer à tourner. C'est sur ce projet là qu'on a pu rencontrer aussi notre manager qui est aussi tourneur, qui a monté une boîte qui s'appelle BL Music et qui a cru en ce projet et avec lequel on travaille pour développer la scène. Et ça nous a permis de faire des scènes pas mal dans la région lyonnaise, mais aussi dans la région parisienne, des festivals comme Nancy Jazz Pulsation à Nancy, des comme Hip Hop Session à Nantes. On est passé dans des salles comme le Chat Noir en Suisse qui est à Carouge, qui est une salle où pas mal de jazzmen sont passés, qui est une salle où on sent l'odeur des musiciens qui ont foulé la scène. Donc c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur parce que c'est le premier, c'est celui qui nous a permis d'avancer jusqu'à là et puis d'arriver jusqu'à chaque seconde qui est sorti dernièrement. Et Au niveau concert, des concerts intéressants en ce moment, notamment un concert avec Fred Wesley à Paris en janvier, un concert en première partie d'Hocus Pocus à l'automne dernier, sur ce printemps un concert avec Oxmo Puccino. Je ferai le lien, donc c'est à Lyon au Festival L'Original, je ferai le lien entre Hocus Pocus et Oxmo Puccino en te posant deux questions sur ces deux groupes-là. Déjà, entre Oxmo et Hocus, duquel tu te sens le plus proche ? Ou Dialect Music se sent le plus proche ? Bah en fait, ça dépend à quel niveau. C'est-à-dire qu'au niveau du fond et du texte, on va dire, je me sens plus proche d'Oxmo Puccino parce que c'est un artiste que j'apprécie depuis tout jeune. Et c'est un artiste qui, voilà, qui met en avant une poésie qui me touche. Et en tout cas, j'espère... sans vouloir faire de jugement de valeur, voilà, j'espère pouvoir écrire dans ce genre de direction, voilà, pouvoir évoquer aux gens ce style d'écriture assez imagé, voilà, donc Oxmo je trouve le fait bien, puis c'est un vrai personnage, donc au niveau des textes, du fond je me sens plus proche de lui, et au niveau de la démarche musicale, c'est vrai qu'il peut y avoir des similitudes avec Hocus, j'aime bien leur manière de traiter les sons, leur manière de travailler, alors c'est vrai qu'on avait des cuivres depuis bien longtemps avec Dialect Music, Hocus Pocus on rajoutait des cuivres à leur groupe, et voilà, ça enrichit encore leur live, tout ça, et donc voilà, j'aime bien leur manière de gérer les instruments, le live et voilà, d'approcher la musique. Maintenant c'est vrai que sur disque et dans le fond je suis plus proche peut-être d'Oxmo. Une autre question qui me vient à l'esprit en parlant d'eux, est-ce que leur apport, on va dire en France, d'apporter un hip-hop très musical avec vraiment un groupe acoustique derrière, avec des influences teintées de jazz, de soul, est-ce que pour vous, Dialect, qui avait ce fonctionnement, est-ce que c'est du coup plus un obstacle à surpasser de montrer que vous aussi vous êtes présent dans votre style à vous, ou au contraire c'est peut être juste un apport pour vous permettre de montrer à tout le monde il y a d'autres groupes comme ça Bah, alors déjà dans la mesure où ils sont plus connus que nous, je dirais que ça reste un challenge, c'est-à-dire que voilà, c'est vrai qu'on est quand même un groupe de hip-hop malgré tout, on reste un groupe de hip-hop et donc voilà, il y a quand même ce côté challenge, ce côté voilà, d'essayer de se surpasser, en tout cas pour la qualité, tu vois, pour atteindre quelque chose de bon musicalement. Et après, c'est vrai que dans ta question, je vois vraiment le sens qu'il commence à exister en France, une scène hip-hop acoustique, une scène, on va dire, d'un hip-hop voilà, qui a envie d'aller vers l'instrument, qui a envie d'aller vers un échange avec les musiciens, et qui s'inspire toujours des mêmes racines, qui sont le jazz, la soul, la funk, voilà, toutes ces musiques-là. Et je dirais que par rapport à Dialect Music, ce qu'il y a d'important, c'est de rester dans la vie, quoi. C'est-à-dire que moi, la musique que je fais aujourd'hui, c'est juste une histoire. C'est les gens que j'ai rencontrés, c'est les réflexions que j'ai eues, là où j'ai envie d'aller. Et finalement, je suis le produit de tout ça, tu vois, comme on est tous le produit de ce qu'on a vécu et de nos expériences. Et donc voilà, au-delà des stratégies et de se dire hip-hop acoustique, c'est d'abord voilà, l'aventure d'un gars qui rencontre des musiciens, qui fait du rap et qui fait passer ce qu'il est à travers des mots, quoi. J'en reviendrai à une question qu'on aurait pu poser dès le début. Comment déjà est né ce projet Dialect Music, dans le sens où toi tu rappais déjà pas mal avec IPM, t'as eu plusieurs projets. Comment tu les as rencontrés, comment ça s'est construit En fait c'est très simple, moi à la base j'aimais un hip-hop qui était assez musical. Déjà comme je te disais, inspiré du jazz, comme les morceaux de Pete Rock à l'époque, certains morceaux de Notorious B.I.G, Snoop Dogg, enfin voilà, il y avait plein de morceaux de rap que j'aimais qui étaient déjà assez musicaux, assez chauds. Donc j'avais déjà cette envie et j'avais du mal à rencontrer tout simplement les bons musiciens. Donc ça s'est fait petit à petit, en fait il y a un pote un jour qui est venu me voir, qui m'a dit tiens je connais un groupe de Zik, ils ont pas de chanteur, ils recherchent un chanteur mais ils aimeraient bien voilà, un rappeur, quelque chose d'un peu différent. Et du coup j'ai saisi cette opportunité là et c'est comme ça que j'ai rencontré en fait la base du groupe, donc les cuivres en fait qui sont toujours dans Dialect aujourd'hui. Et en fait à partir de cette rencontre là, ils étaient je sais pas 9 musiciens et ils jouaient plutôt des choses, des reprises de Buckshot, de Maceo, des trucs assez funky et tout, et puis moi je venais de temps en temps, je rappelle. Et à partir de ça, c'est fait la rencontre humaine. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, bah, moi j'ai commencé à comprendre que c'était pas que des jazzeux complètement, tu vois, tordus dans leur monde. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi une vision, un feeling par rapport à la musique. Et eux, ils ont commencé à comprendre aussi que moi, en tant que rappeur, bah, qu'est-ce que c'était que le rap, qu'est-ce que c'était que le flow, qu'est-ce que j'essayais de dire, etc. Et donc voilà, on est rentré au fur et à mesure. En fait, c'est des concerts qui nous ont emmenés à rentrer vraiment au fur et à mesure dans le truc. Et donc ça, ça a fait qu'il y a des musiciens qui sont partis, d'autres qui sont arrivés pour que à peu près en 2005, quand on a sorti la spéciale, on soit à la formule, à une formule qui est proche de la formule d'aujourd'hui. Donc avec tous les musiciens qui avaient vraiment, tu vois, envie de se regrouper pour faire un projet voilà, hip-hop acoustique, groove, hip-hop actuel, enfin tu vois, en tout cas d'essayer de mélanger et de travailler voilà, autour du hip-hop et de la musique. Alors je me répète, hein, mais j'ai eu l'occasion de voir sur scène, et justement, le groupe envoie et envoie bien. Musicalement, c'est chargé, mais bien comme il faut. Est-ce que du coup, toi, en tant que rappeur, c'est difficile? Est-ce que tu te sens pas des fois un petit peu tout seul? Ou comment t'arrives à trouver ton équilibre d'être limite la seule voix, le seul rappeur derrière un groupe qui est capable d'envoyer du lourd, hein? En fait, on est vraiment complémentaires, et Dialect, en fait, c'est une conversation qui s'établit entre les MC et les musiciens. Et donc voilà, du coup, ils sont vraiment là pour illustrer les morceaux, et en même temps, ils sont vraiment là pour se faire plaisir et pour partager le truc sur la scène, quoi. Donc non, tu vois, je me sens pas tout seul. Voilà, on est vraiment dans une conversation. Moi, je suis là, je fais mes raps. Eux, ils essaient d'illustrer, d'interpréter et de vivre le texte avec leurs instruments. Et voilà, donc du coup c'est vraiment une conversation qui s'établit entre nous et avec le public. Et en tout cas moi c'est comme ça que je le vis. Justement ça change bien de comment ça se passait quand je faisais des concerts tout seul. J'ai une période, tu disais que j'avais fait des projets intermédiaires. C'est vrai qu'après mes premiers groupes et tout, j'ai une période où j'ai rappé vraiment tout seul sur scène avec un DJ ou sans même, tu vois, où j'arrivais juste avec une bande et je mettais ma bande et je rappais, et des fois devant dans des grosses scènes et tout. Et c'était mortel, c'était une grosse émulation aussi, c'était un gros challenge, mais quand t'es avec des musiciens et que voilà, tu sens que ça envoie, vous êtes nombreux, enfin, il y a une puissance, il y a quelque chose qui se dégage, qui est vraiment différent, mais en tout cas, voilà, qui te fait monter l'adrénaline et qui est vraiment puissant, quoi. Alors si du coup maintenant je te posais la question entre le maxi Chaque Seconde et le mini album La Spéciale, quel est le morceau que tu préfères et qu'on va s'écouter tout de suite maintenant? Le morceau que je préfère. Eh ben je dirais pour s'écouter un morceau en fait qui regroupe bien ces deux projets, je te dirais peut-être un remix d'un morceau qui s'appelle Parano Star, qui nous suit depuis longtemps. Et qui est un morceau que j'aime bien parce qu'en fait c'est un morceau où je parle en fait du gars dans la rue qui va te taper sur l'épaule et qui va te gueuler un truc que tu comprends pas, tu vois, des gars qui sont un peu fous. En fait ils sont relous mais ils sont limite, tu vois, limite des fois t'as un peu pitié parce que tu sens que c'est des gens qui sont juste peut-être un peu trop sensibles ou qui ont juste été dépassés à un moment donné et qui ont craqué et que ça peut tous nous arriver. Et quand t'écoutes ce qu'ils disent, ils disent pas que des trucs cons, tu vois, des fois, donc c'est un peu bizarre comme relation. Parce que tu te dis, voilà, ils sont pas complètement fous, mais ils ont pété un câble. Et voilà, c'est pour ça que je dis parano et que je dis star. Parce que au final, ces gens-là, c'est des gens qui, pour moi, voilà, je vais chercher mon inspiration aussi là. Et cette détresse sociale, c'est aussi voilà, quelque chose qui me parle. Parce que je me dis que, voilà, il y a plein de moments où on peut tous péter un câble, on peut tous voilà, avoir quelque chose qui fait que on tient plus, tu vois. Donc voilà. Je me dis, essayons de tenir le choc, et quand je dis Parano Star, c'est plutôt un petit clin d'œil à ces gens-là pour dire, voilà, on vous regarde et voilà, laisse-toi pas aller, tu vois le délire. Donc voilà, ça sera le remix de Parano Star par Atom. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler de mes stars. Mes agents, mon secret. Mes parano stars. Parano stars. Trop parano. Parano stars. Trop parano. star. Un vrai mal de tête, mec, t'es vite, cours, cours très vite pour leur tour, hésite, pire des parasites, parano-star, méritant plus d'un Oscar, en foutant colorite. Un vrai mal de tête, mec, t'es vite, cours, cours très vite pour leur tour, hésite, pire. Un vrai mal de tête, mec, t'es vite, cours, un vrai mal de tête, mec, t'es vite, un vrai mal de tête, un vrai mal de tête, un vrai mal de tête, un vrai. Un vrai mal de tête, mec, t'es vite, cours, cours très vite pour leur tour, hésite, pire des parasites, parano-star, méritant plus d'un Oscar, en voûtant couloir, square, vite. Un mal de tête, mec, t'es vite, cours, cours très vite pour leur désir, désir, pire des parasites, parano-star, méritant plus d'un Oscar, tant pas, toi, toi. Fin de semaine, marre tout leur blabla, métro, boulot, dodo. J'ai besoin de respirer, je m'en vais faire un bœuf, ce soir pas de bluff. J'ai bien retaillé ma touffe, file sur Croix-Rousse, pas un cas du sang qui pousse. Donc j'enfile ma gousse, fils ça, qu'est-ce qui m'attend ce soir? La fête ou les déboires? J'sors chez moi à 20h, croise de trois électeurs au sourire vainqueur. J'emprunte l'escalator, croise un clochard qui dit être albator. Il parle de la Saône qui est pleine d'alligators à cause d'une température proche de l'équateur. Il me parle de ses vapeurs de l'usine quand la ville dort. Il me dit que tout ce qu'on emmagasine, c'est pour qu'on devienne des machines. Entre deux gorges et jus de vigne, me confirme qu'on vit dans un complot, lui-même est suivi de près. Dans mon ventre une boule se crée, je bats de trip, repense à notre jeunesse. Quand une simple note nous donnait de l'ivresse. C'est vrai qu'il y a des choses qui parfois nous agressent. Et là c'est sûr que ça baisse, mais on évacue le stress. Le pire, c'est qu'il y a du vrai dans mes parano-stars. La vérité prend des formes bizarres sur le trottoir. Des formes bizarres, folie ordinaire. Et moi qui voulais m'évader loin de tout ça. Garde pas ce mal de vivre. Je m'en vais sur les pentes pour que mes cordes vibrent. Prenons un peu le temps que nos nœuds se délivrent et retrouvons cette sensation d'être libre. Je lui ai dit, garde pas ce mal de vivre. Je m'en vais sur les pentes pour que mes cordes vibrent. Retrouver cette sensation d'être libre. Faut qu'on puisse un peu s'évader loin de tout ça. Je remonte les pentes de la Croix-Rousse. La salle est petite, mais chaude comme un feu de brousse. Les mains s'agitent, les potards sont dans le boost. L'heure de prendre un peu de souffle, loin de leur parano de course. Non, non, parano star. J'esquive par une ruelle, ou bien je passe par une traboule. Non, non, parano star. Un mal de tête, mec, évite. Cours, cours très vite. Pire des parasites, parano star. Un vrai mal de tête, mec, évite, cours, cours très vite pour leur tour, hésite, pire des parasites, parano-star, méritant plus d'un Oscar, en goûtant par leur histoire. Pas, pas, parano-star, trop, trop, parano. Pas, pas, parano-star, trop, trop, parano. Parano. Pas, pas, parano-star, trop, trop, parano. Pas, pas, parano-star. On vient de s'écouter le morceau Parano Star, le Atom Remix, Atom donc du groupe nantais C2C. Et bien on va revenir encore plus dans le passé, puisque Gaz, donc de Dialect Music, tu rappais déjà, ou tu avais même fondé, aidé à fonder le groupe IPM, le groupe lyonnais, et leur label La Lyonnaise des Flots. Ouais ouais, ça remonte loin là, putain, les gens vont pouvoir commencer à me dater au Carbone 14. Non mais ouais, c'est vrai que voilà, moi au départ, donc voilà, j'écrivais des textes, j'ai rencontré un gars qui habitait juste en face de chez moi, qui s'appelle Eric, et voilà, donc on a commencé à monter l'aventure IPM à cette époque, et c'était dans les années 90, et c'était vraiment une époque, l'époque de l'effervescence du hip-hop, avec les cassettes MTV, les cassettes VHS qui s'échangeaient sous le manteau, en chaque fin de semaine, tu vois, on avait tous les nouveaux clips et tout. Et voilà, c'était vraiment une époque, répétition tous les week-ends, on faisait de la musique sans stratégie, quoi. On faisait vraiment ce qui nous passait par la tête, c'était pour kiffer, tout le monde dansait, faisait du beatbox, rappait et tout ça. Enfin, voilà, vraiment la période Zulu. Donc ça, c'est vrai que ça, c'était les débuts avec IPM. Et puis, donc beaucoup de concerts. Par la suite, beaucoup de concerts avec IPM. Et voilà, ensuite, après, j'ai fait partie d'autres formations comme Medina, avec lequel on a fait des compiles comme Sachant Dire Non, Méridien Ouest, Invasion, enfin voilà, des compiles du moment. On a bossé aussi avec DJ Duke, tout ça. Enfin voilà, des premières parties comme Ideal J, Lunatic, etc. Là, j'ai fait un album qui s'appelait Cauchemar du Bitume, avec un groupe qui s'appelle Octopussy. Donc on était deux rappeurs et ça faisait partie du collectif Medina. Et après j'ai commencé à rapper tout seul et voilà. Et ensuite on en arrive à Dialect. C'est ce qui nous emmène aujourd'hui. Et puis il me semble que tu avais aussi en projet une sorte d'album album solo, en fait, que t'as pas réussi à sortir ou que t'as eu le temps en tout cas d'enregistrer. Ouais, en fait ce qui se passe c'est que j'avais déjà commencé ce projet il y a pas mal de temps, et puis c'est un projet que j'ai mis du temps à faire. En fait, j'ai fait deux albums solo, voilà, sans vraiment d'idée de les sortir ou de pas les sortir. En gros, je faisais ça vraiment pour faire de la zik. Et à cette période-là, et bah, tout simplement, j'ai rencontré des musiciens, j'ai commencé l'aventure Dialect et j'ai fini ces albums. Et ils sont pas encore sortis, mais alors j'ai pas essayé de les sortir, quoi. Ils sont pas encore sortis, tout simplement, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est cette aventure-là qui est en avant. Mais voilà, juste comme ça, pour kiff, je t'ai emmené un petit morceau, ça s'appelle People. Voilà, c'est un morceau qui parle des gens et c'est sur un projet qui s'appelle Extrait de l'Homme, à sortir. Voilà, un projet solo qui sortira un jour, Inch'Allah. Bien, restez avec nous, on retrouve tout de suite Gas pour cette interview et puis on va s'écouter tout de suite donc le morceau People. Comment dire ce qu'il y a de vrai et de faux dans ce que disent les people. Sans mentir, je sais plus si je suis mieux seul ou avec des people. Des empires, des palais, des tirs, heureux comme des villages people. Des acteurs visant tous le box, des verrées importantes people. Du rappeur imitant les gosses pour les séduire et des people. Bien sous tout rapport, que des vies à mort pour l'amour des people. Ou peu solidaires, réservant pour eux ce qui manque assez people. J'aime être solitaire, c'est pas que je sois peureux, mais qui sont ces people. J'parle, mais en fait, qui peut naître et mourir sans people. On passe et dans la feuille sans tasse, tous les plus beaux clichés de son. J'arrive pas à croire qu'on soit pas fichu de se dire sans que viennent les soupçons. Se battre ensemble à l'unisson, voir dans la même direction. La confiance vient le pire adversaire, vengeance et trahison. Fier, on se relève des chaos, la folie guette les plus gaous. Les gens ne s'intéressent plus qu'à eux. Je commence juste à comprendre que même ensemble on est des ses valeurs, un leurre pour enfin plaire oh. Vouloir aller très haut, pour ça qu'est-ce tu pourrais faire oh. Trop malléable, qui pète un cap dès qu'un type les regarde. Influençable, d'avis instable, pseudo parc les phares. Cachant le flop pour toujours les entoure cette courdeur. Être au top, suffit d'y croire, c'est pas hyper dur. Me frôle mais ne m'atteigne plus, c'est tous des nice. J'préfère être exclu, certaines ambiances. Urgent que je retrouve mon chemin, vous le vôtre. Trop de gens ont perdu trop de temps dans d'autres rapports. Nos rapports, toujours pudiques pour opérer. Nous on j't'apprends rien de secret, trop de relations par intérêt. Les camps ne peuvent plus se blairer. Ce qu'on nous montre le plus nous attise au lieu de fédérer. Guerre des euros. Le mieux c'est de pouvoir marcher seul avant de se lever en groupe. Avant de se lever en groupe. Avant de se lever en groupe. Et mes efforts sont pour les intenses comme sur le pavé. Mes regards sont dans les people. J'annonce que j'ai tout recul nécessaire pour un bain people. Ce que je recherche viendra du fond de ta rétine ou de la mienne. Puisqu'au fond ce qu'on aura, ça pourra venir que d'autres people. Quand le monde tournera, ça sera peut-être les nôtres people. Les gourous manquent d'aura, mais la foi reste forte. Garde ce qui rassemble tes forces, pas ce qu'aime j'aime. Des gens différents nous ressemblent, faut trouver cet angle. Se donner, se prendre, élargir son monde, parler. On finit par se parler, et des pères se trouvent où tu t'y attends pas. Un choc immense, un attentat. Nos vies se cabrent, car c'est là où on s'y attend pas. Que les liens se trouvent. Y'a rien d'évident dans la confiance que je vous apporte, vieux. Pour garder la vôtre, je donnerai ce que j'ai de mieux. Je donnerai ce que j'ai de mieux. Ouais, je donnerai ce que j'ai de mieux. On est seul, on est seul, on est seul. un morceau de Gas dans l'antichambre. Gas qui est toujours avec nous pour présenter son groupe Dialect Music. Et d'ailleurs, une question me vient à l'esprit, d'où vient ce nom Dialect ? Ben, nos têtes. Directement de nos têtes. En fait, c'est parce que notre rencontre s'est faite autour de la ZIC. Et voilà, au départ, on venait tous d'univers un peu différents. Au niveau social, tu vois, je veux dire, on vient pas du milieu social, de même quartier, de même ville, et puis on n'écoutait pas la même musique, c'est-à-dire qu'il y en a qui écoutaient beaucoup plus de jazz, d'autres qui écoutaient de la funk, d'autres qui venaient plus du rock, et moi qui venais plus du hip-hop. Et au final, le langage qu'on a réussi à trouver ensemble, on l'a trouvé voilà, avec ses émotions, avec ses notes, avec ses mouvements, qu'on essaye de transmettre au public, et c'est dans ce sens-là qu'on a trouvé ce nom Dialect. Une petite question pour te connaître un petit peu mieux, si tu devais faire un top 5 d'album. Un top 5 d'album. Alors en cinquième position, je mettrais Gnarls Barkley, le premier album là. En quatrième position, je mettrais D'Angelo avec Blond Sugar. En troisième position, attends que je réfléchisse un peu, qu'est-ce que je peux mettre, parce que là tu me prends un peu au dépourvu, c'est dur de faire un top 5 comme ça. Donc j'en suis à troisième, hein. Troisième, ça c'est le top 3 là, putain c'est dur. Je vais pas mettre deux Soul Coriolis dans le top 3, c'est trop chaud. Quoique, je crois que je vais quand même le mettre, hein. Je vais mettre Common Sense, Like Water for Chocolate. Je suis désolé, hein. Excusez-moi les gens, hein. je suis vraiment désolé. Voilà, en deuxième position, je mettrai un album de Stevie Wonder dont je connais plus le nom. Et en première position, juste parce que c'est celui qui me vient à l'esprit et que j'ai vraiment des mortels souvenirs avec cet album-là, c'est Illmatic de Nas. Voilà, histoire de le faire à l'ancienne. Dialect Music, c'est le groupe, mais c'est aussi un label. Vous avez monté votre propre label. Quelles sont les difficultés en tant que groupe, justement, de gérer le label en même temps? Est-ce que du coup, il y a des idées d'amener d'autres groupes? Ou est-ce que comment vous le gérez? Non, en fait, aujourd'hui, Dialect Music, c'est vraiment un label qui est au service du groupe Dialect, dans le sens où voilà, on l'a vraiment monté pour supporter les tournées, pour avoir une structure, pour fonctionner. Et aujourd'hui, en fait, on n'est pas entrepreneur dans le sens où on va produire d'autres groupes et tout ça, en tout cas pas dans l'immédiat. Ce qu'on recherche, c'est vraiment d'essayer de faire fonctionner le groupe en tant que groupe, mais aussi après en tant que musicien, c'est-à-dire peut-être d'apporter des services, peut-être d'organiser des soirées, des choses comme ça. Mais pour l'instant, sur la production, on reste concentré sur le groupe. En tant qu'individu Gas ou même avec Dialect, t'as fait pas mal de concerts dans toute la France et notamment des premières parties de très très bons groupes. Avec quel artiste, au singulier ou au pluriel, t'aimerais du coup que t'as pu côtoyer ou que t'as pu voir et que t'aimerais maintenant collaborer, par exemple, pourquoi pas sur l'album de Dialect Music qui est en préparation? Oulala. Non, mais c'est dur ta question parce que finalement, voilà, des artistes avec lesquels j'aimerais collaborer, il y en a plein. Des gens que j'ai rencontrés avec qui j'aimerais faire un truc, il y en a plein. Et en fait, ça se joue pas comme ça. Je crois que ça se joue surtout sur des moments. Voilà, à un moment donné, il y a des choses qui se font, il y a des déclics. Et donc voilà, ça serait dur pour moi de projeter des envies comme ça sur plein d'artistes. Maintenant voilà, je sais que j'ai envie de vivre les choses, de rencontrer des gens, de continuer à être dynamique. Et que quand les occasions se présenteront, on sera en studio et on fera des morceaux. Et voilà, c'est déjà ce qui se passe avec certains artistes. Je sais pas si les morceaux seront dans l'album ou pas. Là c'est vrai qu'on est sur l'album Parlez-vous Dialect. Voilà, on enchaîne pas mal de morceaux, on fait pas mal de sessions de studio et on essaie quand même de prendre le temps. On pensait sortir ce projet plus vite, mais finalement c'est vrai qu'on a envie de prendre le temps pour vraiment faire quelque chose, en tout cas qui sera, voilà, qui nous plaira quand on sera vraiment dans le kiff et qu'on aura envie de défendre ce projet là sur scène. Voilà, on sortira l'album et j'espère qu'il y aura des collaborations voilà, à la hauteur de toutes les rencontres qu'on fait actuellement sur scène et hors des scènes. Je dirais pour clôturer en tout cas l'instant, peut-être une petite surprise. Là, il y a le micro qui est branché, qui est ouvert, il y a une petite instru qui va se préparer. Voilà quoi, tu pourrais peut-être nous. Là, t'as parlé, mais peut-être c'est le moment de rapper quoi. Vas-y, bah on va se faire ça, tranquille. Branche le casque. Yeah. c'est Dialect Music. Venez avec moi, je vais vous montrer un truc juste derrière là. Ça brouille tous mes sens quand c'est mon groupe qu'on annonce. Les jambes deviennent denses et même le cœur se relance. J'ai la boule dans le ventre, mes mains deviennent moites, c'est tout mon corps qui renonce. Alors je pose une serviette sur ma nuque, puis la jette sur mon crâne, fais le vide une minute. Pas facile dans des loges si petites où les bras se perdent vite, comment faire l'ermite? Yeah, y'a toujours Toche qui fait le pitre. Je crois qu'on est tous partants pour un nouveau chapitre. De l'est à l'ouest, en live et direct, les frontières se dissipent quand résonnent les notes de notre dialecte. Dernier coup d'œil sur la setlist, trop tard pour les questions, rendez-vous en bout de piste. La pression monte depuis les backstage, y'a qu'une prise, qu'une occasion pour mettre à l'aise. On va tout défoncer, on est paré à s'élancer sans renoncer à dénoncer, tu peux danser, tu peux penser. On va tout défoncer, on est paré à s'élancer sans renoncer à dénoncer, tu peux danser, tu peux penser. On va tout défoncer, on est paré à s'élancer sans renoncer à dénoncer, tu peux danser, tu peux penser. On va tout défoncer, on est paré à s'élancer sans renoncer à dénoncer, tu peux danser, tu peux penser. En backstage, une faune qui m'amuse, je développe, y'a des muses, leurs enveloppes sont des mises, tu sais. En backstage, c'est là que certains grugent de gel, ils s'aspergent en se couvrant des loges. Y'a des barges dans les loges qui ne font pas leur rage, car ces gens ne regardent jamais les horloges. Y'a des divas qui ne veulent pas qu'on les dérange, peuvent faire tomber l'orage avec à peine un mouvement de phalange. Des bornes et des bornes de route entre les premières loges et les pierres de luxe. Un concert de plus, impossible à compter depuis que j'ai chopé le virus. Embarqué dans le bus, l'animal dialecte ne tient pas sur un siège. C'est une bête à 8 têtes dont la prise est ardue. Ordure, mordue, des moments en backstage, le peu qu'on a se partage. S'il y a moyen de faire plaise, on va tout défoncer. On est paré à s'élancer sans renoncer à dénoncer. Tu peux danser, tu peux penser. On va tout défoncer, on est paré à s'élancer sans renoncer à dénoncer, tu peux danser, tu peux penser. On va tout défoncer, on est paré à s'élancer sans renoncer à dénoncer, tu peux danser, tu peux penser. On va tout défoncer, on est paré à s'élancer sans renoncer à dénoncer, tu peux danser, tu peux penser. Yeah, ha. Ha. C'est de là d'où on vient, mec. Mais on risque pas d'y retourner, tu sais. En backstage, t'es rock si t'abuses, hip-hop si tu uses, un peu red si t'es jazz. Et même dans les jours de place, faut que tu sois fondant. Y'a des gens qui ont mis le pèse pour passer du bon temps. Alors tu puises dans la force des autres, ce qui te manque ou tout le monde se vautre. C'est aussi ça de faire partie d'un groupe, tous à vos postes, tous à vos marques. On met la rousse, on booste les coins où on débarque. On se démarque, c'est parfois dark, mais quitte à être sur la barque, on fait en sorte que s'arment les arcs. Si les mots viennent en rime diluvienne, c'est pas que tu es narque, mais que la vie est un cirque. En backstage, c'est le côté pratique, que les environnementiques restent philosophiques. Mais sache qu'en backstage, on ne repart jamais vite, car pour nous les VIP sont dans le public. Yeah, yeah, en backstage. Backstage. Back, back, back, back, backstage. En backstage, yeah. Oh, oh. Sur antichamp, mec, dialect musique. Yeah! En backstage, c'est là que tout commence. Non, non, stay in the backstage. Non, non, pas pour moi, mec. Oh, oh, oh. Yeah! Parlez-vous dialect, l'album ça arrive. Yeah! Bonhomme, bonne femme, larron, larronne. On va tout défoncer, on est paré à s'élancer, sans renoncer à dénoncer. Tu peux danser, tu peux penser là, on yeah. Tu sais, dialect musique. Ah. Alors, rendez-vous au tas de sable. C'est ce qu'on dit dans le jargon. Oh, oh, oh. Voilà, vous étiez en backstage avec Gas, rappeur donc de Dialect Music. Eh bien, on va ponctuer cette émission en quelques mots. Où écouter encore plus de morceaux de Dialect Music, comment se procurer l'album, peut-être les projets du groupe et du label. En fait, sur ce morceau-là, c'est un morceau qui est tiré de l'album Parlez-vous Dialect, qui sortira vers la fin de l'année 2009, pour nous retrouver en fait, que ce soit au niveau des concerts, bah au niveau de s'acheter des sorties, par exemple le maxi chaque seconde, la spéciale, etc. On peut retrouver ça sur MySpace, donc c'est myspace.com slash dialect, donc dialect sans E, et la spéciale, tout attaché. Donc myspace.com/dialect la spéciale avec un E. Puis pour le site internet, c'est dialect-musique à l'anglaise.com, dialect-musique.com. Donc voilà, là il y a pas mal de choses, il y a aussi pas mal de vidéos qu'on fait à la suite des concerts. On fait ce qu'on appelle des carnets de route en fait, où on, voilà, il y a pas mal de retransmissions de petits concerts. Là on a fait récemment aussi une émission de télé sur TLM avec pas mal de live qui sera retransmise sur MySpace, sur le site internet. Donc voilà, il y a un petit clip en pâte à modeler aussi qu'on a fait, qui s'appelle Nul en maths, un petit délire qu'on s'est fait en pâte à modeler, une petite vidéo d'animation qu'on peut retrouver sur le site et sur MySpace. J'espère que voilà, les gens vont pouvoir venir nous retrouver, et puis surtout sur les lives. Il y a pas mal de lives qui sont prévus tout au long de l'année, et voilà, je pense que ça sera remis à jour au fur et à mesure sur MySpace et sur le site internet. Voilà, je te remercie de l'invitation. Merci à toi Gas, et puis on aura l'occasion de se faire d'autres petites sessions mic en main quoi. Yeah, quand tu veux, big up à tout le monde, ciao. Et bien pour clore cette longue et intéressante interview de Gas, on va s'écouter un morceau, le morceau de l'instru qui a tourné tout le long de cette émission, de minuit à midi. C'est un morceau donc de Dialect Music sur le maxi, qu'on retrouve sur le maxi chaque seconde avec Roy Ayers. Je vous laisse donc avec Dialect Music en vous souhaitant une bonne fin de soirée dans l'antichambre. C'est la recette qui secoue la planète pendant que les heures s'émiettent, se mélange des silhouettes. Doucement, la ville enfile son manteau de nuit et son manège nourrit l'insomnie. Déballage, lent étalage de bijoux et de pacotis. Une spéciale pour 200 pâles copies, c'est ça l'état. Le rimel qu'elle avait quand jour surgit. Certaines s'endorment et d'autres sortent du lit. Changement, pilante, minuit, midi, quand l'air est alourdi. Elles disparaissent au tournant. Vite, je les cherche car apparaissent mes tourments. La ville exhibe son maquillage de jour. Et ce manège donne une fin de vautour. Self-made woman qui garde forme humaine. Jamais les mêmes, aussi belles que chiennes. Mystère, créature aussi proche que lointaine. Minuit et midi sont vos deux extrêmes. Un chute drôle, j'adore quand. De minuit à midi.